Chapitre 4. Le lendemain matin, vers 5 heures, au poste du palais de l'industrie, dans un violon, Chichite fut éveillé à demi par la sensation d'être couché à la dure, sur un banc de bois. Presque aussitôt, une crampe à la cuisse gauche la fit s'apercevoir qu'elle n'était pas seule. Hortense dormait là, profondément, pelotonnée à ses pieds, prenant une de ses larges cuisses pour oreiller. Sans s'éveiller complètement, encore pompette, Chichite ne fit que dégager sa jambe. Mais, n'ayant pas chaud, elle remonta contre elle ce corps moite. Pour ne pas tomber du banc étroit, instinctivement, l'autre finit par la prendre tout à fait dans ses bras. Et elle dormait encore ainsi vers 7 heures, lorsqu'un gardien de la paix vint les déboucler. « Eh bien, mes tourterelles, vous ne vous êtes pas mangé le nez cette nuit. Je le savais bien, moi, qu'une fois ici, vous vous tiendriez chaud, vos petits petons. »